Chapitre 24e. Marguerite de Valois, reine de Navarre. 1. Le frère et la sœur. Les opinions sont fort partagées au sujet de cette reine, qui ne compte guère d'ailleurs que des admirateurs et des apologistes. Nous nous rallions volontiers à tous ceux qui ont vanté sa beauté, son esprit élevé et tolérant, son excellent cœur et son talent d'écrivain. Mais est-il vrai, est-il vraisemblable que l'auteur des 100 nouvelles, de ces contes égrillards qu'aurait signé Boccace, joignait à tant de mérite une vertu qu'elle l'inspirait si peu, et n'est-il pas permis de se ranger à l'opinion de son contemporain Brantôme, qui nous dit, sans penser lui faire tort, qu'en fait de joyeuseté et de coquetterie, elle montrait qu'elle en savait plus que son pain quotidien. Marguerite de Valois, dont le vrai nom était Marguerite d'Angoulême, était fille de Charles d'Orléans, duc d'Angoulême, et de Louise de Savoie et sœur de François Ier. Elle était née à Angoulême le 11 avril 1492 et avait été élevée à la cour de Louis XII. Dès l'âge le plus tendre, François et Marguerite avaient montré l'un pour l'autre l'amitié la plus vive, et ce sentiment ne fit que croître avec le temps. François Ier l'appelait sa mignonne et la Marguerite des Marguerites. Il avait en elle une confiance absolue, et comme elle était aussi habile que savante, il lui confia plusieurs négociations importantes dont elle se tira à son honneur. Elle faisait l'ornement de la cour de son frère, et l'on sait quelle cour dissolue était celle du roi François. C'est aux dames de cette cour que nous devons les anecdotes les plus salées de Brantôme. N'était-elle pas initiée au secret de cette princesse, Marguerite de France, qui, si l'on en croit le vieux de Bourdeil, tint enfermé un de ses amants dans un cabinet pendant un mois entier et termina sa vie galante en épousant le duc de Savoie? Elle était d'ailleurs la confidente des amours de son frère, et nous en retrouvons plus d'une aventure dans les 100 nouvelles. C'était elle qui créait les modes, organisait et souvent inventait les fêtes de la cour. Elle éblouit de son luxe la cour de Charles Quint lorsqu'elle y parut avec son frère. Elle épousa en 1509 Charles IV, duc d'Alençon, un prince du sang qui lui était inférieur sur le rapport de l'esprit, des connaissances et du mérite. Ce prince mourut peu de temps après la bataille de Pavie, qu'il contribua à faire perdre, et ce ne fut pas sa mort qui coûta le plus de larmes à Marguerite. Elle fut chargée par la reine-mère, Louise de Savoie, de se rendre à Madrid afin d'y négocier la mise en liberté du roi. Les lettres de François à sa sœur étaient pleines de la plus amère tristesse. Sa captivité était en effet des plus sévères. Il était étroitement gardé, privé de tout divertissement et de toute société, traité moins en roi qu'en simple prisonnier. Habitué à une vie active, ne trouvant plus à dépenser les forces exubérantes de son généreux tempérament, François Ier souffrait physiquement. Marguerite devinait ses souffrances. Aussi accepta-t-elle sa mission dans un double but, celui de négocier, s'il était possible, avec l'empereur Charles, et celui de voir son frère et de le consoler. De son entrevue avec Charles Quint, nous n'avons qu'un mot à dire. Toute son éloquence ne lui servit de rien près de ce monarque aussi astucieux, aussi fourbe qu'il était impitoyable. Quant à son séjour près de son frère, ce fut l'époque de sa vie qui prêta le plus à la médisance. L'amitié extraordinaire qu'elle avait toujours montrée pour François, la nature fougueuse, violente de celui-ci, ses passions affolées par une longue captivité, une véritable séquestration, fit répandre le bruit de relations criminelles. François, disait-on, avait oublié que Marguerite était sa sœur, et celle-ci, prise d'une trop généreuse pitié, le lui avait pardonné. Quoi de vrai, quoi de faux? Nous nous faisons l'écho des bruits du temps, et nous laissons au lecteur apprécier jusqu'à quel point ces bruits peuvent être fondés. Nous les trouverions tout à fait odieux si la corruption de la cour des Valois et la brutale sensualité de François Ier ne les excusaient en les expliquant. La médisance fut contenue par les aimables qualités de Marguerite. Elle était aimée de tous ceux qui l'avaient approchée. Combien de gentilshommes ont soupiré pour la Marguerite des Marguerites? Margarita veut dire perle, pour la perle des perles. Tous les poètes, tous les savants, tous les artistes, qui lui composaient une cour et trouvaient en elle une protectrice, ne voyaient point seulement avec les yeux de la reconnaissance ou d'une amitié platonique. Elle ne pouvait être insensible aux passions qu'elle provoquait. Il faut se rallier à l'opinion de Brantôme. Marguerite mit sans doute en action plus d'une fiction de ses histoires galantes. On ne décrit pas si bien les formes, les couleurs, la beauté, la saveur du fruit défendu, sans y avoir donné un coup de dent. La preuve matérielle manque, la présomption, la preuve morale reste. 2. La cour de Navarre. En 1527, Marguerite épousa Henri d'Albret, roi de Navarre, de qui elle eut Jeanne d'Albret, mère de Henri IV. Elle fut une reine intelligente, bienfaisante et aimée. Elle favorisa le commerce, l'industrie, les arts. Elle fit régner dans ses états la justice et la sûreté, et ce fut encore son moindre mérite. Sa gloire fut la tolérance. Jusqu'à présent, nous avons vu le goût pour la coquetterie et la galanterie étouffer toutes les qualités chez les reines les mieux douées et les entraîner à tous les désordres et tous les crimes. Aussi sommes-nous heureux de voir chez la reine de Navarre la galanterie pratiquée avec un goût délicat et unie à la plus rare qualité de son époque, la tolérance philosophique. Elle protégea longtemps Berquin et Étienne Dolay, qui finirent par le bûcher. Elle protégea contre la Sorbonne, alors si redoutable, si fanatique et si puissante, Calvin, avant qu'il fût devenu lui-même un chef fanatique, Pierre Caroli, Érasme et surtout le poète Marot. L'asile qu'elle offrait aux novateurs donna lieu d'élever des doutes contre son orthodoxie. La Sorbonne la dénonça hautement comme hérétique. Ses docteurs parvinrent à exciter contre elle Montmorency, qui se chargea de prévenir le roi. Mais il fut mal accueilli. François Ier voyait bien l'ennemi dans le protestantisme. Il le voyait si bien qu'il s'alliait au grand Turc contre lui. Mais il admirait l'esprit de tolérance de sa sœur, et il aimait Marguerite, qui ne divisait point les hommes en orthodoxes et en hérétiques, mais en deux classes éternelles, en oppresseurs et en opprimés. Et ses sympathies imposaient silence à sa politique. Malgré la Sorbonne, le pape Adrien VI avait lui-même la reine de Navarre en grande considération et la priait d'intervenir pour rapprocher les princes dont les divisions étaient le fléau du monde. Cependant, elle faisait bâtir le château de Pau, qu'elle environnait de jardins magnifiques. Elle dotait des hôpitaux et fondait à Paris celui des Enfants Rouges en 1538. Elle mourut au château d'Odos, près de Tarbes, et dans des circonstances dont Brantôme nous a conservé les curieux détails. Elle n'aimait pas, dit-il, que l'on s'entretînt de la mort. Mais donc, étant venue à la fin destinée, et gisant sur son lit, 3 jours avant que mourir, elle vit la nuit sa chambre toute en clarté qui était transpercée par la vitre. Elle secoursa ses femmes de chambre qui la veillaient, pourquoi elle faisait un feu si ardent. Elles lui répondirent qu'il n'y avait que peu de feu, et que c'était la lune qui ainsi éclairait et donnait telle lueur. « Comment, dit-elle, nous en sommes au bas, elle n'a garde d'éclairer à cette heure. » Et soudain, faisant ouvrir son rideau, elle vit une comète qui éclairait ainsi droit sur son lit. « Ah, dit-elle, voilà un signe qui ne paraît pas pour personne de basse qualité. Dieu le fait paraître pour nous autres grands et grandes. Refermez la fenêtre, c'est une comète qui m'annonce ma mort. Il se faut donc préparer. » Et le lendemain au matin, ayant envoyé quérir son confesseur, fit tout le devoir de bonne chrétienne, encore que les médecins l'assurassent qu'elle n'était pas là. « Si je n'avais vu, dit-elle, le signe de ma mort, je le croirais, car je ne me sens point si bas. » Et elle leur conta à tous l'apparition de la comète. Et puis au bout de 3 jours, quittant les songes du monde, trépassa. Ce qui prouve qu'à cette époque, on était déjà aussi superstitieux qu'aujourd'hui, bien que l'on fût plus ignorant. Elle laissa 2 enfants, dont l'aîné mourut, et dont l'autre, Jeanne d'Albret, régna sur la Navarre. Ses œuvres sont d'un mérite inégal. Ses poésies ne lui méritaient point le titre de 10e muse que les contemporains lui décernèrent. Mais ses contes sont d'un style excellent, plein d'esprit et d'imagination. Bon nombre de poètes et de romanciers y ont puisé. Nous recommandons l'aventure de l'amiral Bonnivet, qui s'introduisit la nuit par une trappe dans la ruelle d'une grande dame et n'y gagnait que des égratignures. La grande dame était la sœur de François Ier.